7. Comment finit Henry Darnley ? Ainsi aveuglé, entraîné par sa passion pour Boswell, Marie Stuart, en quelques mois, était tombée de l'adultère au crime. Et cependant, Darnley n'était plus un mari bien gênant. Il était moins gênant qu'André de Hongrie pour Jeanne de Naples, que Pierre III pour Catherine de Russie. Mais il semble que fatalement, l'adultère provoque à l'homicide et jette ses femmes sur la pente du crime. On reste confus en la voyant donner à Lexington et à Boswell son consentement tacite. Elle pourra regarder entre ses doigts ce qu'ils vont faire et ne dira rien. En sortant de chez la reine, les conjurés convinrent par un traité de tuer le roi. Sir James Balfour rédigea cette convention, ou ce pacte, qui fut signé par les lords Argyll, Huntley, Lexington, et remis entre les mains du comte de Boswell, autant dire entre les mains de Marie Stuart. Sur ces entrefaites, Henri tomba malade, et le public, déjà préparé à quelque catastrophe, crut d'abord à un empoisonnement. Darnley en eut aussi la pensée, mais il se trompait, il était atteint de la variole. Les projets des conjurés demeurèrent ajournés. Il guérit, et chose atroce, la reine alla lui faire visite et le féliciter sur son retour à la santé. Le malheureux fut vivement touché de cette visite. « Je ne désirais plus vivre, dit-il, mais à cette heure, je suis heureux d'avoir échappé à la mort. Comme vous êtes bonne, madame, de vous être souvenue de moi. À travers l'incohérence de mes actions, avez-vous donc pu reconnaître l'amour profond que j'ai toujours eu pour vous ? Laissez-moi espérer que, touché de mon repentir et de mon amour fidèle, vous me rendrez vos bonnes grâces. » Et il demandait pardon à l'épouse adultère. Elle accueillit ses protestations avec une douceur hypocrite. Il parla de se rapprocher d'Édimbourg. Elle lui offrit le château de Craigmillar, situé à une lieue de la ville. Il n'aimait point cette résidence, mais il y avait non loin de là une simple habitation, Kirkofield, qui avait appartenu à un couvent de moines noirs. Il demanda à y être transporté. La reine lui fit prendre place dans une litière et l'accompagna jusqu'à son nouveau séjour. Il était là, tout près d'Édimbourg et sous la main de ses ennemis. L'habitation qu'il occupait était des plus humbles et l'on a de la peine à concevoir comment il s'en accommoda. La reine en avait fait meubler le rez-de-chaussée composé de 3 pièces. Il y vivait avec un domestique et un page nommé Taylor. La confiance lui était revenue, paraît-il, ou plutôt ne s'abandonnait-il point à sa destinée avec résignation ? L'hiver, jetant son manteau de neige sur la campagne, augmentait encore la mélancolie de ce séjour. Ce n'était plus pour lui le temps de la chasse et des festins joyeux. Où étaient ses flatteurs, ses courtisans, ses anciens compagnons de plaisir ? Les uns, les meilleurs, le fuyaient comme un lépreux, les autres, les Ruthwen, les Lindsay, revenus de l'exil, attendaient à sa porte le jour de leur vengeance. Désœuvré et solitaire, dans un ennui profond, il se sentait revenir peu à peu à la vie en se demandant si c'était bien la peine et ce qu'il ferait de cette vie qui lui était rendue. Dans le courant de février, il reçut de fréquentes visites de la reine, de son amant et de leurs amis. Les rapports de Lord Bothwell et de Marie n'étaient plus pour lui un mystère. Il en souffrait, mais il étouffait le cri de sa douleur et de son amour. Le malheureux, torturé par la jalousie, l'aimait alors plus qu'au premier jour, mais il se taisait. Il refoulait dans son cœur la haine que lui inspirait Bothwell et souriait à la reine. Que venait-il faire près de lui ? Tromper l'opinion publique en feignant une amitié qu'il n'éprouvait pas et préparer le crime qu'il méditait. Un domestique, cité plus tard au procès de Marie Stuart, a jeté une lumière effrayante sur ce complot. C'était un Parisien, valet de confiance de Boswell et que son maître appelait Paris. Cet homme était dans la confidence du comte. « Eh bien, Paris, lui dit un soir Boswell, ce sera pour cette nuit. » Paris baissa la tête. « Cette décision paraît affligée et te surprendre. »« Je l'avoue, Mylord. »« Et pourquoi ? » ?»« Mylord, me permettra-t-il de lui parler avec franchise ? » ?»« Parle en toute liberté. » »« Je n'ai pas la prétention d'influer sur la détermination de Mylord, mais puisqu'il me permet de lui dire mon sentiment, je dirai que je regrette profondément le parti auquel il s'est arrêté. »« Pourquoi ? » ?»« D'abord, parce qu'il me paraît inutile. » Boswell sourit. Devenir roi d'Écosse ne lui paraissait pas inutile. Henri Darnley, poursuivit Paris, ne lui porte aucun ombrage. Mylord est de fait roi d'Écosse, il règne et gouverne. Est-ce tout ? Non, Mylord, je t'écoute. Si Henry Darnley périt de mort violente, de quelque façon que le fait s'accomplisse, et si loin que Milord se tienne de cet endroit, c'est lui qui en sera accusé. Et qui oserait m'accuser ? Fit Boswell avec hauteur. L'Écosse tout entière, témoin de la faveur dont vous jouissez, cette faveur deviendra votre plus lourde charge. Elle pèsera sur vous d'un poids écrasant, et ainsi, Milord, vous risquerez de perdre le pouvoir par le souci que vous avez de la fermir. Ce que tu dis là pourrait être vrai pour tout autre que moi. Je ne crains pas l'opinion. Enfin, je n'agis pas seul et dans mon intérêt personnel. Nous sommes un grand parti qui veut délivrer la reine de ce cadavre de roi. Mais je vois que tu as peur et que je ne pourrai compter sur toi. Je suis à vous, Milord, et entièrement dévoué à votre fortune. Je vous obéirai. Tranquillise-toi, Parry. Il ne s'agit pas de renouveler la scène sanglante que Darnley dirigea si bien à Holyrood. Nous avons d'autres moyens. Je me tiens aux ordres de Milord. Boswell parut réfléchir un instant. N'as-tu pas fait la guerre autrefois en France ? Oui, Milord, j'ai pris part aux opérations d'un siège. Très bien, alors tu sais ce que c'est qu'une mine. Pour en avoir vu éclater. Mais tu saurais y mettre le feu ? Oui, Milord. Eh bien, je compte sur toi. La maison de Kirkoffield est minée, et cette nuit, elle sautera. À quelle heure, Milord ? L'heure n'est pas encore fixée. Il y a ce soir concert et bal chez la reine. Ce sera un moment favorable à cause de la grande affluence de monde au château. Tous les conjurés s'y trouveront réunis et y décideront de l'heure. Ainsi, la reine devait chanter et danser pendant l'assassinat. Mais dira-t-on, peut-être ignorait-elle le jour fixé pour le crime ? Non. Au commencement de cette soirée, elle s'était rendue avec son amant près de son mari. Elle avait fait porter chez celui-ci, un mois auparavant, une magnifique fourrure. Sachant que la maison devait sauter, elle avait pensé à sauver cette fourrure et l'avait fait reprendre dans la journée. Puis, elle était venue s'entretenir avec sa victime. Darnley, toujours affaibli, était étendu sur son lit. À son chevet se tenait le jeune Taylor, son page. Une petite lampe éclairait la chambre d'une lumière pâle et lugubre. Darnley ne s'attendait pas à cette visite, il en fut bouleversé. « Madame, lui dit-il, après l'échange des compliments d'usage, je craignais de vous avoir mécontenté à mon insu lorsque vous m'avez fait redemander votre fourrure. J'ai donné l'ordre de la remplacer par une autre qui est plus grande. Ne l'avez-vous pas reçue ? Je suis bien aise d'être venue. Vous la recevrez pour cette nuit. Tout le monde m'oublie sauf votre majesté, dit Henri avec un sourire amer. Hâtez-vous de vous rétablir et vous serez le bienvenu au château. « Une bonne parole de vous, madame, fait plus pour ma guérison que tout l'art des médecins. »« Que ne sais-je la bonne parole qui vous guérisse, Henri ? Mais dites-moi ce que vous pouvez désirer. Avez-vous des nouvelles à faire parvenir à votre père ?»« Non, madame, dit Henri, mais j'ai une grâce à vous demander. »« Laquelle ? Je voudrais voir notre enfant. »« Ah, répondit Marie, visiblement troublée, il est trop tard. » Le condamné ne comprit pas. « Mais demain ?» Un de ces jours, reprit-il. Si cela est possible, je vous le promets. Elle se leva pour se retirer. Cette demande l'avait émue, et lorsqu'elle tendit sa main à Darnley, celui-ci, en la portant à ses lèvres, la sentit frémir. J'ai votre promesse, madame. Pensez que j'aurais pu mourir sans avoir vu mon enfant. Sortons, comte, dit Marie, qui pâlissait à cette prière. J'ai besoin d'air. Et les augustes serviteurs s'éloignèrent. Il ne devait pas voir son enfant, mais celui-ci devait vivre pour le pleurer et maudire sa mère. Elle rentra à Holyrood pour s'occuper de sa toilette et bientôt après de la fête qu'elle donnait à ses complices. C'était à peu près dans ce moment que, dans le cerveau de Shakespeare, s'élaborait ce drame plein de sang et d'horreur où une femme pousse son mari à assassiner son roi et son hôte. Mais la scène se passe à une époque barbare. Puis, le bon roi Duncan vient tenter la féroce ambition de Lady Macbeth. Enfin, lorsque l'heure du crime est sonnée, vous vous rappelez l'épouvante de Macbeth, ses angoisses. Eh bien, l'heure du crime est sonnée au château d'Édimbourg. Marie Stuart, parée et souriante, applaudit ses musiciens et donne le signal des danses. On voit de loin les fenêtres rougies des salons du vieux château et le bruit des instruments parvient dans la campagne silencieuse jusqu'à la maison de Darnley. Un à un, les principaux conjurés ont quitté les salons et bientôt ils se sont réunis au pied des murs tranquilles de Kirkoffield. Ils portent sur leurs habits de gala un manteau grossier et sous ce manteau des armes. Quelques-uns de ses lords ont amené leurs valets de confiance. Boswell a amené Parry, chargé de faire sauter la mine. Les autres feront le guet. Mais les conjurés ont modifié leur plan. Ils ont perdu confiance dans le résultat d'une explosion, ou, ce qui est probable, ils veulent s'emparer de quelques papiers importants. Ils s'approchent en silence de la maison. Boswell en a les clés. Ils entrent. Au bruit, Darnley, assoupi, se réveille et crie « Qui est là ?» Il est sans lumière. Il entend des pas lourds et nombreux dans sa chambre. On le cherche dans les ténèbres. Comme il reposait tout habillé, enveloppé dans un manteau de fourrure, il se jette en bas du lit et court à la porte d'une pièce voisine qui donne sur le jardin. « à moi, sire !» crie une voix bientôt étouffée dans un râle affreux. C'est la voix de son malheureux page, surpris dans son sommeil. On l'étrangle. Darnley hésite, il fait quelques pas pour se porter à son secours. Il entend qu'on se jette sur son lit, on le fouille dans l'ombre à coups de dague. Il se retourne vers la porte, mais il se heurte à un des assassins. Celui-ci, au toucher de sa fourrure, à je ne sais quel détail, le reconnaît. « Je le tiens » s'écrie-t-il. Henry résiste et achève de se trahir. Boswell l'a bientôt rejoint. On l'entraîne dans la chambre voisine. Là, l'obscurité est moins épaisse. La clarté de la lune permet de se reconnaître. « C'est bien lui !» se disent les assassins, muets jusqu'alors. En vain, il se débat. La lutte est de courte durée. Il est saisi par les bras, par les pieds et couché sur le sol. « Ne versons pas de sang !» dit Boswell. Et on l'étouffe. Ce crime est long à consommer. Ils ont à craindre que la mort ne soit qu'apparente. On recherche aussi le corps du page et on l'apporte à côté de son maître. Tout à coup, les meurtriers s'aperçoivent que Boswell a disparu. « Où est le comte ?»« Il est sorti. Pourquoi »« Pourquoi ?»« Pour donner l'ordre de faire sauter la mine, peut-être. » Une terreur panique s'empare de ces misérables. Ils se sauvent dans le jardin en emportant avec eux les corps de leurs victimes. Ils s'éloignent ainsi jusque dans les champs, puis, haletant, s'arrêtent et écoutent. Ils n'entendent rien que le bruit lointain du bal de la reine. Enfin, Boswell reparaît. Voyant la maison vide, il a donné l'ordre de la faire sauter. Et comme il les rejoint, une explosion formidable retentit et éclaire la campagne d'une lueur sinistre. Il fuit, car de toutes parts on va accourir. En arrivant aux portes de la ville, une sentinelle les arrête. « Qui vive ?»« Amis du comte de Boswell, » répondent-ils. Cette sentinelle sera un témoin. Mais déjà au château, on s'inquiète du bruit que l'on a entendu. La reine s'informe de ce qui est arrivé et se transporte aussitôt sur le lieu du sinistre. À la clarté que répand l'incendie, elle voit des paysans, au bout du jardin de la maison, former un attroupement considérable. Plusieurs sont à genoux, en prière. La reine se dirige vers eux. Un de ses courtisans l'invite à ne pas aller plus loin. « Mais je veux savoir, je veux voir » dit-elle. « Madame, que votre majesté s'épargne un si triste spectacle. Qu'est-ce donc ? Parlez !»« Madame, le roi Henry Darnley a cessé de vivre. » 7. Nouvelles infamies. La présence de Marie sur le théâtre du meurtre fut un scandale de plus. On disait en ce temps-là que les blessures des victimes se rouvraient à l'approche de l'assassin. Darnley était sans blessure, mais la foule s'émut d'indignation et la reine dut se retirer. Le comte de Lennox, le père du roi, accourut, réclamant justice contre les meurtriers et accusant tout haut le comte de Boswell. Marie répondit en annonçant que le procès allait s'ouvrir. Le comte de Lennox demanda le temps nécessaire à une instruction. La reine refusa. Élisabeth intervint. « Votre refus, lui écrivit-elle, de concéder au père et aux amis du feu roi le temps nécessaire pour mettre en évidence le crime, tournerait grandement en suspicion contre vous. Vous vous verriez ainsi repoussé par les princes du monde entier, avili auprès des peuples, et plutôt que cela ne vienne, je vous souhaiterais une sépulture honorable qu'une vie maculée. » Mais Marie craignait la lumière et voulut l'étouffer. Un simulacre de jugement devait tenir lieu de justice. Boswell lui-même prépara cette infâme comédie et en distribua les rôles. Le 12 avril, jour fixé par lui, les assises s'ouvrirent dans la maison de Tolbooth. Les jurés avaient été choisis par l'accusé entre ses pairs, ses amis et ses complices. Argyll présidait ce tribunal. Et pour protéger l'iniquité qui allait se commettre, 4000 hommes occupaient les places et les rues d'Édimbourg. Boswell, monté sur le cheval favori de Darnley, entouré de nombreux courtisans, se rendit aux assises, le sourire aux lèvres, tandis que l'on faisait interdire au comte de Lennox d'entrer en ville avec plus de 6 personnes de sa suite. L'affaire fut promptement bâclée. Aucun témoin ne fut entendu. Lennox fut sommé de soutenir son accusation contre Boswell. Ce dernier plaida ensuite sa non-culpabilité et il fut acquitté à l'unanimité des voix. Il ne restait au père de Darnley qu'à prendre la fuite. Il avait prévu l'événement et préparé des relais. Il passa en Angleterre. Le surlendemain, le Parlement confirma la sentence des juges et ne gardant plus aucune pudeur, Boswell s'occupa de son divorce. Le peuple, indigné, grondait sourdement autour d'Holyrood. En vain, pour calmer sa colère, Marie abolit-elle les lois contre les protestants, elle n'était plus qu'un objet d'horreur et de mépris. Un jour, comme elle passait près du marché, une femme se leva et lui dit « Que Dieu bénisse votre grâce, si elle est innocente de la mort du roi !» Mais rien ne peut dissiper son aveuglement. Elle s'est fait un front qui ne sait plus rougir. On ne parle déjà plus à la cour et partout que de son prochain mariage avec son complice. En vain, Lord Harris se rend à Édimbourg, se jette à ses pieds et la supplie de ne pas épouser celui que tout le monde considère comme l'assassin de Darnley. En vain, Lord Melville accourt de Londres pour l'éclairer sur le danger d'une action qui brave la conscience de son peuple et les sentiments des cours étrangères. Elle prétend disculper Boswell, absous, dit-elle, par ses pairs et par le Parlement. Sans plus tarder, Boswell réunit à sa table les chefs de son parti et leur déclare que la reine est disposée à l'épouser. Cependant, ajoute-t-il, comme il n'ignore point combien l'opinion lui est hostile, il serait heureux de voir ses vœux sanctionnés par la noblesse écossaise et propose à leur signature une adresse à la reine par laquelle il se déclare convaincu de l'innocence du comte de Boswell et recommande à sa majesté ce noble et puissant lord comme un mari digne de leur souveraine. L'adresse fut couverte de signatures. On n'avait rien à refuser à un maître absolu, capable de tous les crimes, et qui disposait de toutes les positions et de toutes les existences. Marie elle-même tremblait devant lui. « Elle était éprise de lui plus que jamais, » dit un historien, « bien que les procédés de ce maître violent devinssent quelquefois offensants pour elle. Il était brutal, insolent, il la battait. Il était jaloux et, accusant sa dame de compagnie d'être trop complaisante, il la remplaçait par sa sœur. « Vous vous méfiez de moi, » lui écrivait Marie. « Je veux vous mettre hors de doute et déclarer mon innocence. Oh, ma chère vie, ne le refusez et souffrez que je vous donne épreuve de mon obéissance, fidélité, contenance et volontaire subjection. » 7 jours après l'acquittement de Boswell, elle signait un contrat de mariage. Mais le deuil qu'ils étaient obligés de porter ajournait leur projet à une date beaucoup trop éloignée au gré de leur impatience. Boswell imagina un moyen romanesque et sans précédent. « Marie, lui dit-il, une si longue attente est au-dessus de mes forces, et après tant d'obstacles renversés, je ne puis souffrir de me voir entravée par de vaines formalités. Je dois aller à Stirling, voir mon enfant. Attendez mon retour, comte, et nous aviserons. « Eh, madame, qui sait ce qui peut surgir d'ici là et ce qui peut vous arriver ?»« Vous avez ma parole, le consentement de la noblesse, le pouvoir absolu. Que pouvez-vous craindre ?»« Je ne sais. »« Craignez-vous qu'on ne m'enlève ?» fit Marie en riant. « Eh, mais nous avons des ennemis acharnés et entreprenants. Et si l'on vous enlevait, Marie ?»« Eh bien, vous voleriez à mon secours, je pense. »« Mieux que cela, » s'écria Boswell radieux, « si je vous enlevais. » « Vous, quelle folie !»« Non point, c'est une idée qui me vient. Si je vous enlevais, si je me trouvais sur votre route, à votre retour de Stirling, avec un gros de cavalier, et vous faisais très respectueusement ma prisonnière. » »« C'est insensé. Supposez que cela soit. Alors, vous trouvant obligé, ou de punir de mort le ravisseur, ou de lui pardonner ?»« Je lui pardonnerais. » »« Et vous l'épouseriez, nécessairement. » Le mariage deviendrait le sceau inévitable du pardon. Je sens bien ce qu'un tel moyen a d'étrange, mais cette étrangeté même frapperait l'imagination du populaire, distrairait les esprits de considérations fâcheuses et, en définitive, dénouerait une situation qui ne saurait, sans péril, se prolonger plus longtemps. Oui, si l'on vous reproche un libre choix, on osera vous blâmer d'obéir à la contrainte, et moi, de mon côté, la passion m'absout. Le monde applaudit toujours aux audacieux. « Voyons, vous paraissez ébranlé. Mon projet ne vous semble plus aussi chimérique? L'acceptez-vous? Dieu m'en garde, mon cher comte. Eh bien, il en sera, comme je vous le dis. Quoi? Malgré moi? Nous verrons bien si vous m'opposerez résistance, conclut Boswell. Le romanesque était loin de déplaire à la reine, et, après avoir repoussé ce singulier projet, ce fut elle qui le reprit et en pressa l'accomplissement. Boswell s'en étant ouvert à Huntley, et celui-ci ayant engagé Marie à ne pas se jeter dans une pareille aventure, elle écrivit au comte de se méfier de Huntley, et elle ajoutait « Quant à jouer mon personnage, je sais comme je m'y dois gouverner, me souvenant de la façon dont les choses ont été délibérées. » Cependant, le moment venu, de nouvelles difficultés surgirent. Il lui fallut mettre dans son secret le capitaine de ses gardes, et celui-ci répondit qu'il aimerait mieux mourir que la reine fût enlevée pendant qu'elle était placée sous sa garde. Il fallut changer d'escorte, et encore une collision était-elle à craindre. « Pour l'amour de Dieu, dit Marie dans une de ses lettres à Boswell, soyez plutôt de trop que trop peu, car c'est le principal de mon souci. » Enfin, la comédie fut jouée. À son retour de Stirling, à 6 000 d'Édimbourg, la reine et son escorte rencontrèrent un corps de 800 cavaliers qui leur barra la route. Marie, feignant la surprise, s'avança au-devant du chef de cette petite armée. Boswell la salua respectueusement, mit pied à terre, et saisissant la bride de son cheval, « Madame, lui dit-il en élevant la voix, que votre majesté consente à me suivre au château de Dunbar. Mais, milord, je me rends à Édimbourg. La sûreté de votre majesté et l'affection que je lui porte me font un devoir impérieux de la conduire à Dunbar. Mais vous attentez à la liberté de votre reine. La reine se conformera à la nécessité, et je la supplie de ne pas affliger par une résistance inutile le plus loyal de ses serviteurs. Milord, je vous suis et cède à la contrainte. » Et se tournant vers le capitaine de son escorte qui assistait à ce colloque étrange, « Retournez à Édimbourg, dit-elle, et que l'on y attende mes ordres. » Elle suivit Boswell à Dunbar et y passa quelques jours sous le même toit et à sa merci. On ne fut pas dupe de cette comédie, et l'on n'eut pas besoin d'attendre la saisie de la correspondance que nous avons citée pour la deviner. D'ailleurs, et comme pour ajouter au scandale, pendant ce séjour à Dunbar, Boswell faisait prononcer son divorce par l'archevêque de Saint-André, dont il payait la complaisance. C'était le 3 mai. On peut remarquer qu'il ne perdait pas de temps. Ce même jour, il ramena Marie Stuart à Holyrood. L'entrée solennelle des deux amants à Édimbourg offrit à la population un spectacle où l'odieux le disputait au ridicule. Le favori, à pied, conduisait par la bride l'acné de sa royale maîtresse qui affrontait les regards railleurs de la foule. À son retour au palais, elle fit proclamer qu'elle pardonnait au comte de Boswell et annonça l'intention de l'épouser. « Il ne leur reste plus maintenant qu'à tuer le jeune prince, » disait-on. L'Église réformée reçut l'ordre de publier les bans et refusa tout d'abord. Mais, obligé de céder, le ministre Craig tint à ses fidèles le langage suivant. « Je prends le ciel et la terre à témoin, dit-il, que j'aborde ce mariage comme odieux et horrible aux yeux du monde, et j'exhorte les fidèles à adresser leurs ferventes prières à Dieu afin qu'une union contraire à toute raison et à toute conscience soit empêchée à la satisfaction de ce malheureux royaume. » C'était un noble et courageux langage, et qui justifiait malheureusement l'opposition fanatique que Marie Stuart avait rencontrée de la part de Knox. La noblesse, au contraire, accueillit avec la plus lâche complaisance la déclaration où la reine lui disait qu'elle était décidée à s'unir à ce noble et puissant prince afin de sortir de son solitaire veuvage et d'augmenter sa descendance. Le mariage fut célébré le 15 mai à Holyrood, selon les deux rites chrétiens. Craig y assista. Il y avait 3 mois qu'Henry Darnley avait été assassiné. 8. Les mariages du mois de mai tournent mal. C'est un proverbe latin que l'on trouva placardé sur les murs d'Holyrood le lendemain des noces. Mais Marie Stuart n'eut pas à attendre jusqu'au lendemain pour le voir se vérifier. Le soir même du mariage, le nouvel époux, fort de ses droits, lui fit une scène violente. Une lettre de Ducroc, ambassadeur de France, en fait part à Charles IX. « Jeudi, 15 mai. Sa Majesté m'envoya quérir où je m'aperçus d'une étrange façon entre elle et son mari. Ce qu'elle me voulut excuser, disant que, si je la voyais triste, c'est parce qu'elle ne se voulait réjouir, comme elle dit de ne le faire jamais, ne désirant que la mort. Vendredi 16. Hier, étant renfermés tous deux dans un cabinet, avec le comte de Boswell, elle cria tout haut qu'on lui bailla un couteau pour se tuer. Ceux qui étaient dans la chambre l'entendirent, ils pensent, si Dieu ne lui aide, qu'elle se désespérera. C'était supposé chez Marie ce qui n'existait plus chez elle, le respect de soi-même. Sa passion pour ce brutal, sa complicité dans le crime, l'avait avilie à ses propres yeux. Ce n'est plus la pensionnaire de Saint-Germain, ni l'épouse de François II, ce n'est plus une souveraine, c'est déjà la fille de taverne, la fille qui boit du vin bleu, qui veut, dans ses amants, un bras qui la gouverne. Plus Boswell la maltraite, plus elle l'aime. Les vers suivants, trouvés plus tard dans sa cassette, en sont le curieux témoignage. Et vous doutez de ma ferme constance, ô mon seul bien et ma seule espérance, et ne vous puis assurer de ma foi, vous m'estimez légère que je vois, et si n'avez en moi nulle assurance, et soupçonnez mon cœur sans apparence, vous défiant à trop grand tort de moi, vous ignorez l'amour que je vous porte, vous soupçonnez qu'autre amour me transporte, vous estimez mes paroles du vent, vous dépeignez de cire mon laqueur, vous me pensez femme sans jugement, et tout cela augmente mon ardeur. » Ce dernier vers est assez éloquent. Il fallait donc cette injurieuse et brutale jalousie pour se faire aimer d'elle. On en arrive à plaindre Darnley, à soupçonner Riccio, à excuser Chastelard. Cependant, comme Boswell n'était pas moins insolent avec tout le monde, et que ses alliés, gorgés de faveurs, n'avaient plus rien à attendre de lui, une ligue se forma des signataires mêmes de cette adresse à la reine dont nous avons parlé. Toujours les mêmes. Argyll, Athol, Morton, Ruthwen, De Grange, Lindsay. Ils s'entendirent pour se débarrasser du tyran et s'emparer du jeune prince. Avertis de leur projet, Boswell et Marie se retirèrent au château fort de Borthwick, 10 milles de la capitale, dont ils redoutaient le soulèvement. Les confédérés se mirent à leur poursuite, ils tentèrent de les enlever. Mais le couple royal s'échappa dans la nuit à l'aide d'un déguisement et se renferma à Dunbar. Les confédérés levaient des troupes, non contre la reine, disaient-ils, mais contre Boswell, lequel, après avoir tué le roi, s'être emparé de la reine et avoir procédé avec elle à un mariage déshonnête, rassemblait ses forces pour se délivrer du jeune prince par le meurtre. En 2 jours, ils réunirent 2 500 hommes. Ils firent peindre sur des bannières le cadavre du roi et à côté son jeune fils, à genoux, avec cette devise « Ô Dieu, juge et venge ma cause ». Cette peinture eut un succès immense. De son côté, Boswell avait levé des troupes nombreuses, mais ces troupes ne marchaient que pour leur solde et étaient presque honteuses de la cause qu'elles étaient appelées à défendre. En vain, Marie se mettait à leur tête, à cheval, habillée d'une cotte rouge qui ne lui venait qu'à mi-jambe, et ses plus habiles discours les laissaient froids. Les deux armées se rencontrèrent à Corbert Hill. Avant que l'on en vînt aux mains, Ducroc, l'ambassadeur de France, offrit sa médiation. Il se rendit, de la part des confédérés, près de Marie Stuart. Il assura à la reine que les lords n'avaient contre sa personne aucun sentiment hostile, qu'il ne s'était levé que contre Boswell. « Que cet homme s'éloigne, dit-il, et que votre majesté suive sa noblesse fidèle à Édimbourg. Il n'y aura point de sang versé. » « S'il en est ainsi, répondit Boswell, je ne veux point que le sang coule pour moi seul. J'offre de me battre seul avec un des vôtres, et le sort des armes décidera ainsi de notre querelle. » Marie refusa de permettre ce duel. Mais ses officiers, et bientôt après son armée, le réclamèrent à grands cris. La reine céda. Boswell réclama Morton pour adversaire. Lindsay s'offrit. Les soldats, devenus simples spectateurs, se mêlèrent. Et De Grange, profitant du désordre, tourna à la hauteur de Corbéry et coupa à l'armée royale sa retraite sur Dunbar. Alors ce fut dans les troupes de Marie un sauf-qui-peut général. La reine est bientôt seule, au milieu de quelques cavaliers fidèles. Lord Kirkcaldy s'avance vers elle et lui renouvelle la demande déjà faite par Ducroc. Elle garde le silence, suffoquée par la colère et la douleur. « Je vais prendre congé du comte, dit-elle, et je vous suis. » Boswell et 5 ou 6 des siens étaient sur la colline. La reine le rejoignit. On les vit s'entretenir un instant, puis s'embrasser. Boswell monta à cheval, tendit une dernière fois la main à Marie et enfin partit au galop vers Dunbar. La reine revint vers les confédérés, vaincue sinon résignée. Les lords prirent d'abord son abattement pour de la résignation et l'entourèrent des témoignages de leur dévouement et de leur respect. Tout alla bien jusqu'aux environs d'Édimbourg, mais là, tout à coup, à la nouvelle que des partisans de Boswell étaient dans le voisinage, « Je veux les voir et leur parler, » dit la reine. « Madame, » répondit Lord Lindsay, « nous ne pouvons y consentir. Suis-je donc votre prisonnière ? Ce sont nos ennemis et les vôtres. Les amis de mon mari ? D'un traître. » Lindsay, et elle lui prit la main avec emportement. « Par la main qui est maintenant dans la vôtre, j'aurai votre tête pour cela. » « Ah, madame !» s'écria Morton, « nous croyons avoir mieux mérité de vous. »« Est-ce ainsi, s'écria Athol, que notre modération est récompensée ?»« Athol, Morton !» repartit la reine, folle de colère. « Vous, je vous ferai pendre !» Les lords se tinrent pour avertis, et dès ce moment la traitèrent en prisonnière. L'insensée, elle n'eut plus un ami pour la protéger à son entrée dans une capitale exaspérée contre elle. Elle rentra, précédée de la fameuse bannière, au milieu des huées de la population, et on l'enferma dans une chambre de la maison du prévôt. Traitée comme une criminelle, séparée de ses femmes, sans lumière, pendant la nuit, elle fut en proie au délire. Elle ouvrit sa fenêtre et se prit à crier au secours. Mais on se réjouissait de son châtiment, et le lendemain, au lever du jour, on plaça la bannière des fédérés en face de sa fenêtre. Cette vue faillit la rendre folle. Elle se précipita de nouveau à sa fenêtre, sans vêtements, les cheveux en désordre, avec des cris affreux, jusqu'à ce que de bonnes âmes en eussent compassion et retirassent la bannière. Cette scène fit craindre pour sa raison. Quelques lords lui firent visite. « Que veut-on de moi ? » dit-elle à Lessington. « Qu'on me délivre de cette prison. Je renonce à tout, à mes biens, à ma couronne, à l'Écosse. Qu'on me laisse rejoindre le comte. Et que l'on nous donne un navire, nous irons tous deux où nous conduira la fortune. » Cependant, les lords, après une délibération solennelle, prenaient les décisions suivantes. La personne de Sa Majesté sera séquestrée de toute relation avec le comte de Boswell, et tous ceux qui pourraient avoir intelligence avec lui pour le faire échapper au juste châtiment de ses crimes. Ne trouvant pas de place plus convenable et plus commode pour la demeure de Sa Majesté que le château de Loch Lewen, nous ordonnons de l'y enfermer et de l'y garder en sûreté. Dans la nuit du 16 au 17 juin, Marie Stuart fut transférée à sa nouvelle prison. Le voyage s'accomplit sans résistance ni plainte. Ses compagnons de route étaient d'ailleurs inaccessibles à la pitié. C'était Lindsay, à qui elle avait promis de faire couper la tête, et le farouche Roswen. 9. Le château de Loch Lewen, les amours de Page. La nouvelle résidence de Marie Stuart était un château fort construit sur un îlot au milieu d'un lac. Loch Lewen eut fait le bonheur d'une imagination poétique et romanesque. Walter Scott n'a jamais rien décrit de plus pittoresque. Mais la reine n'avait le droit ni de se promener sur les eaux bleues du lac, ni de chasser dans les montagnes qui bornaient l'horizon, et elle allait être gardée à vue dans cette forteresse. Loch Lewen appartenait à William Douglas, fils de Marguerite Erskine, et ainsi frère utérin du comte de Murray. Lady Erskine, ancienne maîtresse du roi Jacques V, avait eu du père de Marie Stuart ce Murray qui, à ses yeux, était le véritable héritier de la couronne. C'était donc à une de ses ennemies les plus acharnées qu'était confiée la garde de Marie Stuart. Ajoutons que chez la vieille dame, à ses rancunes, à ses prétentions, se joignait la haine que tout fidèle presbytérien éprouvait pour une papiste. Se trouver en contact journalier avec Lady Erskine devait être pour Marie un singulier supplice. La présence de la geôlière aggravait la peine de la réclusion. Cependant, au dehors, un nouvel orage se soulevait contre elle. Le 20 juin, un familier de Boswell, nommé Dalcleish, avait été arrêté alors qu'il s'apprêtait à rejoindre son maître, réfugié au nord de l'Écosse. Ce Dalcleish était porteur d'une cassette d'argent au chiffre de François II que Marie avait donné à son amant. On s'en empara et on y trouva toute la correspondance de Marie avec Boswell, avant et après la mort du roi, ainsi que le contrat de mariage signé par elle 7 jours après l'acquittement du comte. Ces lettres contenaient les révélations les plus graves. Elles prouvaient que les relations de Marie Stuart avec Boswell étaient antérieures à la mort de Darnley. elles établissaient la complicité de la reine dans le meurtre de son mari et l'enlèvement qu'il avait suivi. Dalclèche et le portier du palais, arrêtés peu après, complétèrent par leurs aveux ces terribles révélations. Alors l'indignation publique se souleva. Justement, le célèbre Knox revenait d'Angleterre. On demanda l'abdication de la reine et sa mise en jugement. La noblesse se décida à exiger l'abdication et à prononcer ensuite contre la reine déchue la peine du bannissement. Lord Melville fut envoyé à Lochlewen avec un acte d'abdication. « Signez, madame, lui dit-il, votre liberté. Votre vie est à ce prix. Le peuple soulevé contre vous demande que vous soyez mise en jugement. Traduite devant les assises, vous jouez votre tête. » « Non, répondit-elle, j'aime mieux renoncer à la vie que de renoncer à mes droits. Cédez à la nécessité et vous verrez après. » Elle comprit qu'elle pourrait plus tard annuler cet acte, et cependant elle hésitait encore. Lindsay entra. Il prit une plume et la lui tendit, sans mot dire. Elle obéit et signa. « Et maintenant, dit-elle, n'étant plus votre reine, j'ai cessé d'être votre prisonnière. Je suis libre ?»« Non, madame, dit Lindsay. Votre noblesse va couronner le prince, votre fils, et nommer un régent. Alors seulement vous pourrez être rendue à la liberté si vous consentez à quitter le royaume. » Avant de prendre le pouvoir, Murray alla à Lochlewen. Marie espérait l'attendrir, mais elle ne trouva en lui, au lieu d'un frère, qu'un juge sévère de ses crimes et de ses extravagances. « Vous n'avez plus rien à attendre que de la miséricorde de Dieu, lui dit-il. » Et il la quitta plus désolé que jamais. Il s'était bien gardé de lui confier qu'Élisabeth avait protesté contre sa déposition. Elle voyait dans cet acte un précédent dangereux pour les droits de tous les souverains et avait déclaré à Murray que, sans sympathie pour Marie Stuart, mais dans un intérêt de politique générale, elle était résolue à rétablir la reine d'Écosse sur son trône et à punir ses sujets rebelles. « Il n'est pas conforme à la nature, disait-elle, que la tête soit soumise aux pieds. » Mais ses protestations demeuraient stériles, et Marie Stuart avait trouvé tout près d'elle un allié plus dévoué et plus actif que sa bonne cousine d'Angleterre. Dans la solitude sauvage de Lochlewen, loin du monde, des intrigues ambitieuses, du fanatisme politique et des autres passions, était né et avait grandi un bel adolescent de 18 ans, de cette nature élégante et fine dont les portraits de Van Dyck nous ont gardé quelques types charmants. Ce grand garçon, au front pur, aux traits délicats, aux grands yeux rêveurs, se nommait George Douglas et était un des petits-fils de Marguerite Erskine. L'arrivée de Marie Stuart dans sa solitude avait été l'événement le plus considérable de sa vie. Tout d'abord, ce qu'il avait appris de cette reine l'avait rempli d'une curiosité mêlée d'effroi. Lady Erskine et le laird de Lochlewen faisaient de la papiste adultère une monstrueuse peinture. Ce n'était pas une femme, mais un démon. On lui préparait une prison, on s'assurait des serrures, on mettait des grilles aux fenêtres, on doublait les gardes. Sa surprise fut grande en voyant arriver une jeune femme éplorée, n'opposant qu'une douceur résignée à toutes ses mesures de rigueur. Par curiosité d'abord, puis bientôt par un tendre intérêt, il accompagna Lady Erskine dans quelques-unes de ses visites à la royale captive. Le langage de Marie, si différent de la rudesse grossière des montagnards, son courage et la trace visible de ses larmes le séduisirent peu à peu. Il douta des crimes reprochés à Marie, il ne vit plus que l'éclat de sa chute et l'abîme de sa misère. Puis il ne vit plus la reine, il ne vit que la femme. Il s'éprit d'elle. Marie lut dans ses yeux et encouragea sa timidité. Il avait pour confident un jeune page, son parent, William Douglas. Ce page avait 16 ans et, séduit comme lui, soupirait aussi, mais en secret, plus à l'écart et plus bas. William était chargé de servir les repas de la prisonnière. George l'accompagnait souvent. Ni l'un ni l'autre n'avait la hardiesse proverbiale des pages. Un propos affectueux ou flatteur tombé des lèvres de la reine les faisait rougir et palpiter. « À quoi bon venir, dit un jour William à son aîné, si tu n'es pas plus brave que moi. Chaque soir, tu prends une belle résolution de lui parler, puis, le moment venu, tu trembles. » Et cependant, je lui ai voué ma vie, répliquait Georges avec exaltation. Et pour elle, je braverai la colère de Lady Marguerite, de mon père et du régent. Mais sais-tu ce qui me gêne? Non. Ne t'en fâche pas. Eh bien, c'est toi. Moi? Fit le page avec une douloureuse surprise. Toi, mon confident, mon second moi-même. C'est étrange. Je te dirai bien d'avance ce que j'ai à lui dire, et tu le sais, mais il me semble qu'il serait plus convenable que je fusse seul. » Oui, dit William, tu as raison, il vaut mieux à cause d'elle. Eh bien, demain, après le dîner servi, je me retirerai et tu resteras. Mais je te vois pas lire. Ah, je ne suis pas sans crainte. Pensez donc, William, une reine. Mais une reine détrônée, et qui d'ailleurs est très aimable avec toi. Tu trouves? Elle te parle avec des yeux fort doux. Vraiment? Elle te prend la main et la garde longtemps dans la sienne. Je lui parais sans conséquence. Elle t'appelait d'abord Sir Douglas, et maintenant elle t'appelle George. C'est vrai. Elle avait la main posée sur ton épaule, et par moments jouait avec les boucles de tes cheveux quand elle m'a dit « Viens aussi près de moi, William, vous êtes deux aimables enfants. » Des enfants? Parce que je n'ai que 16 ans, moi. Mais à ta place, je sais bien ce que j'aurais répliqué. Madame, lui aurais-je dit, l'enfant qui vous parle sent dans sa poitrine un cœur d'homme pour vous aimer et vous servir. Oh, mon cher William, lorsque je suis auprès d'elle, que sa main me touche, que son regard m'enveloppe, je me sens comme sous une puissance magique qui me prive de ma présence d'esprit. Puis, rendu à moi-même, je m'accuse d'avoir été ridicule et sot. Mais je te le promets, demain je serai un homme. Le lendemain, tout se passa ainsi qu'il avait été convenu entre les deux amis. William se retira, George demeura en présence de la reine qui se mettait à table. Il fléchit le genou devant elle. « Madame, » dit-il d'une voix étouffée. « Qu'y a-t-il, George ?» fit la reine en s'empressant de le relever. « Voyons, mon ami, asseyez-vous là, près de moi. »« Non, madame, c'est à genoux que je dois vous parler, car j'aurai besoin de votre pardon. »« Qu'est-ce donc, cher enfant ?» insista Marie en passant doucement la main sur le front de Georges. « Que vous est-il arrivé ?»« Ce qui devait arriver fatalement, madame, à un pauvre garçon admis en la société de la plus belle et de la plus infortunée des reines. »« Pauvre Georges, ne le sais-tu pas ? Ceux qui m'ont aimé ont payé leur amour de leur vie. »« Aussi, madame, ma vie est à vous quand vous voudrez la prendre. Si j'étais plus âgée, j'aurais une fortune et des gens à votre service. Je lèverais des troupes et combattrai pour votre cause. Mais, si peu que je sois, peut-être vous serai-je utile, si vous le voulez bien. » « Que veux-tu dire ? » fit Marie avec vivacité. « Que je puis vous aider à fuir de cette prison. » « Ah, parle, as-tu quelques moyens ? Aide-moi à fuir, mon ami, et pour récompense, je demanderai à la reine Marie des honneurs, des titres, une fortune. » « Un baiser. » « Prends d'avance, Georges. » s'écria Marie avec la prodigalité qu'inspire le bonheur. Mais comme Georges prenait sans compter, « Oh là !» dit-elle, « ou plus tard, il ne resterait plus à la reine que des titres et des domaines à te donner. Mais voyons, que comptes-tu faire pour m'aider à m'échapper d'ici ?»« C'est demain samedi, » dit Georges. « Les lavandières viendront au château apporter le linge. » Ce jour-là, Lady Marguerite est très occupée. C'est aussi le jour où plusieurs tenanciers apportent leurs redevances en légumes et en volailles. Il y a entre Loch Lewen et la rive un moment incessant de batelet, et les portes sont moins gardées. Si ma reine y consent, elle prendra le costume d'une paysanne, une grande coiffe qu'elle abattra sur son front et un panier au bras, un mouchoir sur la joue. Elle ira prendre place parmi les lavandières à qui l'on fait passer le lac. Très bien, et toi ? Moi, je serai déjà sur l'autre rive avec les chevaux cachés dans un petit bois. À merveille ! Et de là, nous fuirons vers l'ouest. Pourquoi l'ouest ? Parce que, dans le Lothian, vous avez encore des amis qui vous sont restés fidèles. Oh ! Fit Marie enthousiasmée, tu es aussi intelligent que brave. Eh bien, procure-toi ce costume de paysanne et demain soir nous galoperons tous deux vers le Lothian. Ce fut William qui remit le costume à la reine et lui donna les derniers avis qui lui étaient nécessaires pour sortir du château sans embarras. Georges était déjà avec ses chevaux sur l'autre rive. Marie, habituée par sa vie aventureuse à jouer les travestis, se déguisa à merveille et sortit sans être remarquée. Quelques paysannes attendaient le passeur, elle se tint à l'écart d'abord, puis la barque arrivée, elle courut y prendre place à une des extrémités. La barque prit le large. Elle tenait un mouchoir sur son visage, le batelier le remarqua. C'était un jeune homme habitué à plaisanter avec ses passagères. « Tiens, fit-il, quelle est donc celle-là qui se cache ? Par mon patron, quels beaux yeux et quelle peau blanche. Pourquoi donc te cacher si tu es jolie ? » Et il écarta brusquement le mouchoir dont Marie se faisait un voile. Un cri de surprise échappa aux lavandières. Une d'elles, qui avait vu plusieurs fois Marie, la reconnut. « Oh ! Dit-elle, celle-ci n'est point des nôtres. » D'où êtes-vous donc, ma belle ? Demanda le passeur. Marie garda le silence. Son langage l'eût trahi plus encore que la blancheur de son teint. Elle est de Loch Lewen, reprit la lavandière. Je l'ai vue souvent, et je reconnais bien la reine Marie. La prisonnière ? S'écria le passeur, effrayé. Alors, se voyant découverte, « Oui, mes amis, dit la reine en se levant, oui, je suis la malheureuse prisonnière de Loch Lewen. J'échappe à mes bourreaux, mais je ne vous oublierai point quand je serai libre. Passeur, reprends tes rames, ta fortune est assurée. » Le visage riant du batelier s'assombrit soudain. « Madame, dit-il, je ne suis qu'un pauvre batelier qui reçoit son pain du laird de Loch Lewen. Si je passe à l'autre rive, ce soir je serai pendu. Tu peux fuir avec moi. » « Non, madame. »« Que fais-tu ? Je regagne le château. »« Tu livres ta reine ? » ?»« Je ne connais pas de reine. »« Quoi ? Tu es sans pitié pour une malheureuse prisonnière ?»« Ma femme et mes enfants seraient plus malheureux que vous, car je serais pendu. » Et, tout en parlant ainsi, le passeur jouait vigoureusement des rames et regagnait la rive de Loch Lewen. Prières, supplications, promesses, tout fut inutile. Et un instant après, Marie, humiliée, la rage dans le cœur, était reconduite dans sa chambre par Lady Erskine, qui ne lui épargna ni les reproches ni les menaces. Quant à George, il ne tarda pas à apprendre par les paysannes qui revenaient du château ce qui s'était passé. Deux amis appartenant aux familles Hamilton et Seton, qui lui avaient amené les chevaux, les emmenèrent, et il entra à Loch Lewen sans être soupçonné. 10. Nouvelle tentative d'évasion, encore Boswell. Le pauvre George était fort triste. Marie lui rendit bientôt tout son courage. William, lui, avait de l'énergie pour trois. « Si mon ami George avait été compromis, madame, vous auriez pu compter sur moi, car mon cœur et ma vie sont à vous. » On ne sait ce que répondit Marie à cette déclaration nouvelle, mais ce qui est certain, c'est que ce fut avec le petit page qu'elle combina les moyens de sa dernière tentative d'évasion. George entra dans le complot, mais comme complice. Le plan fut tracé et exécuté par William. Voici comment les choses se passèrent. Selon la coutume féodale, les repas à Loch Lewen étaient pris en commun. Une seule table réunissait les maîtres et les serviteurs. William avait l'honneur de servir à table le laird et Lady Marguerite. Le soir, quand tous les travaux étaient terminés, la cloche sonnait pour le dernier repas et tout le monde se dirigeait vers la salle à manger. Le capitaine chargé de la garde de la forteresse avait terminé sa ronde, fermé les portes et venait en déposer les clés sur la table vis-à-vis de son seigneur. Les clés restaient là jusqu'à la fin du souper. Le soir du 2 mai, en posant sur la table le dernier plat, William laissa tomber une serviette sur les clés et les enleva. C'était de l'audace. Déjà Marie, prévenue, avait revêtu le costume d'une femme de service également dérobée par le page. La maison était déserte. Tous deux sortirent du château, ouvrant et refermant derrière eux, et gagnèrent le bord de l'eau. Cette fois, ils n'eurent pas recours aux passeurs ordinaires pour traverser le lac. Sur la rive opposée, ils trouvèrent George, avec des chevaux, de ces poneys écossais dont l'ardeur est infatigable. Ils galopèrent toute la nuit, ne prenant pas le temps de rire du désappointement qu'avait dû éprouver le laird de Loch Lewen en ne trouvant plus ses clés, et de la fureur de Lady Erskine en s'apercevant de l'évasion de sa prisonnière. Ils ne s'arrêtèrent qu'au château de Nidri, résidence des Seton, dans le Lothian occidental. Après un repos de quelques heures, la reine et ses jeunes écuyers se rendirent au château d'Hamilton. De là, elle envoya aussitôt des émissaires à ses partisans. L'archevêque de Saint-André accourut, un des premiers, et après lui, Lord Claude, avec 50 chevaux. Ce fut le noyau d'une petite armée qui grossit rapidement de jour en jour. Elle envoya des amis en France et en Angleterre. Hepburn de Riccarton, ancien serviteur de Boswell, partit pour Dunbar, afin de s'assurer de cette place et d'avertir son maître. Une réaction aussi prompte qu'extraordinaire se manifesta partout en sa faveur. L'insolence de ceux qui lui avaient succédé au pouvoir, sa captivité, les rigueurs déployées contre elle, l'impunité que les assassins de Darnley s'étaient assurée en brûlant le pacte secret qui les avait unis pour le crime, tout cela lui avait rendu un grand nombre de sympathies. Enfin, l'imagination populaire est volontiers séduite par des traits d'audace, tels que cette évasion de Loch Lewen. Pour d'autres raisons, une grande partie de la noblesse se déclara pour elle. les ambassadeurs de France et d'Angleterre vinrent la féliciter. Avant la fin de mai, elle comptait déjà une armée de plus de 6 000 hommes. Il ne lui manquait plus que Boswell, mais celui-ci était resté introuvable et elle ne devait plus le revoir. Qu'était-il devenu ? Nous pouvons l'apprendre de suite à nos lecteurs. Boswell n'avait pu songer à tenir dans Dunbar. Il gagna Perth, s'y empara de 3 galères et fit voile vers le nord. La reine l'avait fait duc d'Orkneys. Les îles d'Orkneys ou Orcades sont situées à l'extrémité septentrionale de l'Écosse. C'est un archipel de terres stériles et d'écueils sous le 59e degré de longitude. Dans ce domaine désolé habitent quelques misérables pêcheurs dont le duc ne pouvait espérer tirer les moindres ressources. Mais il n'avait pas le choix de ses résidences, et Lord de Grange, monté sur des navires de guerre, lui donnait la chasse et le serrait de près. Des îles Orcades, il s'enfonça plus au nord, aux îles Shetland. Son ennemi l'y suivit. Il l'eût suivi jusqu'en Islande, et lui donna la chasse à travers les passes les plus dangereuses. Il parvint à capturer 2 de ses galères, mais, monté sur un navire qui tirait trop d'eau pour ses parages, en voulant attaquer le bâtiment de Boswell, il s'échoua. L'ex-roi d'Écosse regagna la mer du Nord et de Grange rentra à Édimbourg sans savoir ce qu'il était devenu. Cependant, une tempête avait jeté Boswell sur les côtes de Norvège. Visité par un navire danois et trouvé sans papier, il fut considéré comme pirate et emmené en Danemark. À Copenhague, il parvint à se faire reconnaître par le roi Frédéric II, mais comme il ne jouissait point auprès de ce prince de plus de considération qu'il n'en méritait, il n'en obtint aucune assistance. Frédéric II, plus tard, donna avis au comte Murray du séjour de Boswell en Danemark. Murray réclama son extradition, mais le roi la refusa et enferma Boswell dans la forteresse de Malmoé. L'assassin de Darnley y resta jusqu'à sa mort en 1576 et expia ainsi ses crimes par 9 années de détention. Revenons à Mary Stuart. Elle n'était pas encore au terme de ses aventures. Elle restait en présence d'un ennemi aussi habile que déterminé. Murray, surpris comme tout le monde à la nouvelle de l'évasion de Marie, n'avait pas tardé à se remettre et à se préparer à la défense d'un pouvoir si longtemps convoité et obtenu au prix de si pénibles intrigues. Marie lui fit des offres de conciliation. Il était alors à Glasgow. Il n'était pas en mesure, il assistait chaque jour à une défection nouvelle, il tâcha de gagner du temps et demanda à réfléchir. Mais, en 10 jours, il avait réuni une armée de 4 000 hommes, des meilleures troupes, et l'avait muni d'une excellente artillerie. Alors il déclara qu'il était prêt à défendre le pouvoir qui lui avait été confié par le Parlement et les lords du royaume, et entra en campagne. Appuyé sur Glasgow, il laissa l'armée royale quitter les montagnes et descendre vers la Clyde. Marie allait jouer son sort en une seule bataille et elle n'ignorait pas que Murray avait dans le corps des arquebusiers et dans son artillerie les éléments d'une victoire. 11. La bataille de la Clyde et ce qui en résulta. Les premières escarmouches lui furent favorables et Murray, qui s'était porté jusqu'à Dunbarton, se retira sur la Clyde. Là se livra la bataille. L'armée de Marie était remplie d'ardeur mais manquait d'un chef unique et habile. Murray, au contraire, avait pour lui l'expérience et le sang-froid. La lutte fut chaude des deux côtés, mais la fin de la journée appartint aux régents et, comme toujours à cette époque, les vaincus se débandèrent. Mary Stuart, vivement poursuivie, ne dut son salut qu'à la vitesse de son cheval et aux ombres de la nuit. Elle gagna l'abbaye de Dundreman, près du golfe de Solway. Là, elle était obligée de prendre la mer, mais elle avait le choix du pays où elle jugerait bon de se réfugier. Ses meilleurs amis et les plus éclairés lui conseillaient de fuir en France. Là, elle avait pour elle le parti catholique, Charles X et sa famille de Lorraine. Par une aberration inexplicable, elle choisit l'Angleterre et alla se jeter sur les côtes du Cumberland. Pour échapper à Murray, elle alla se mettre à la merci d'Élisabeth. Son arrivée à Londres produisit la plus fâcheuse impression. Le peuple anglais était monté contre elle et elle devait éviter de se montrer en public. La réception que lui fit Élisabeth eût dû lui montrer de suite le danger qu'elle courait. La reine lui exposa qu'elle ne pouvait sans se compromettre l'autoriser à séjourner à Londres. Elle lui assigna pour résidence le château de Tutbury, dans le comté de Stafford, et la plaça sous la surveillance du comte de Shrewsbury, duc de Norfolk. c'était l'exil et presque la captivité dans un pays hostile. Ajoutons que le Northumberland, confinant à la frontière écossaise, Mary Stuart à Tutbury n'était pas à l'abri d'un coup de main s'il eût plu au régent d'en tenter un. Mais, à peine en tête-à-tête forcé avec le duc de Norfolk, Mary entreprit sa conversion. Le duc n'était plus jeune et devait effacer les souvenirs encore récents de George et de William Douglas. La séduction était le grand, l'unique expédient de Mary Stuart. L'amour tenait les clés de sa politique. Elle ne songeait pas à fuir d'Angleterre, mais elle pensait à organiser, ou plutôt à achever d'organiser, une ligue des souverains catholiques en sa faveur. Elle avait besoin pour cela du silence ou de la complicité effective du duc de Norfolk. Elle l'obtint. Un nommé Ridolfi était en route pour sa cause perdue. Il avait la cour de Rome et la cour de l'Escurial. Les agents diplomatiques d'Élisabeth s'étaient tenus au courant de ces démarches et grand avait été le scandale à Londres en apprenant que le duc de Norfolk s'y trouvait mêlé. Le complot de l'ex-reine fut dénoncé au Parlement, ses agents et le duc lui-même furent arrêtés. Un procès s'ouvrit. On y entendit contre Mary Stuart les aveux et les témoignages les plus accablants. La fermentation fut extrême à Londres. Après la condamnation des complices de Marie et l'exécution du malheureux duc, on demanda hautement la mise en jugement de Mary Stuart. On demanda même son exécution, sa cause paraissant suffisamment entendue. Dans le même temps, et comme si la fatalité avait décidé d'accumuler tous les éléments d'une tempête, les événements survenus en Écosse et peu après sur le continent s'élevaient comme autant d'accusateurs contre Marie. Le régent Murray était assassiné. La voix publique en accusait sa sœur. Le comte de Lennox lui succédait, et peu après, il avait le même sort. Personne ne doutait que celle qui avait fait tuer Henry Darnley n'eût fait tuer son père. Le crime semblait rayonner autour de cette femme funeste. Enfin, le 24 août 1572, s'accomplit le massacre de la Saint-Barthélemy. La nouvelle de ce massacre, ses détails horribles, attisèrent la fureur des protestants de tous les pays, mais plus encore des Anglais, à qui le complot de Mary Stuart semblait l'avoir annoncé. Cette femme n'avait-elle pas recherché l'appui de Charles IX, du pape Grégoire XIII et de Philippe II? N'était-elle point du sang des Guises? Il tenait une des coupables de ce crime de lèse-humanité. La laisserait-il échapper? Les sentiments de la cour différaient peu de ceux du peuple. En vain l'ambassadeur de Charles IX, M. de Fénelon, se montra pénétré de douleur et de honte. En vain, répéta-t-il, dans une audience solennelle, l'imputation faite à Coligny d'avoir conspiré contre le roi et la famille royale. Élisabeth parut, en cette occasion, comme un juge qui interroge et condamne un coupable. Elle donna à cette audience l'appareil lugubre qui convenait au sujet. Un morne silence régnait dans les appartements. La reine était sur son trône en habit de deuil. Les grands et les dames de la cour, rangés autour d'elle en habit de deuil, semblaient pleurer avec elle sur les ruines de l'autel, la honte du trône, l'outrage fait à l'humanité. L'ambassadeur s'avance, il n'est salué de personne. Personne ne l'honore d'un regard. Il représentait Charles IX. Il balbutie l'odieuse récrimination que son cœur démentait. Élisabeth la réfute avec force et dignité. Tel était l'état des esprits quand fut demandée la mise en jugement de Mary Stuart. On peut affirmer que la Saint-Barthélemy pesa d'un grand poids dans les circonstances qui précipitèrent le sanglant dénouement de ce drame. Sans nous arrêter aux nombreux incidents qui se succédèrent, nous nous bornerons à raconter comment mourut la reine d'Écosse. 12. L'échafaud. Marie, gardée à Tutbury par Sir Anna Spaulet, subit alors une détention rigoureuse. On parla même de l'affaire égorgée dans sa prison. Le 25 septembre 1586, l'ordre fut donné de la transporter à Fotheringay, comté de Northampton. Élisabeth ordonna que sa chambre et son lit fussent tendus de noir. Tout conseil, toute assistance lui furent refusés. Bientôt, elle vit paraître le chancelier d'Angleterre à la tête d'une commission de 20 lords, choisie par sa perfide ennemie. Elle refusa de répondre à l'interrogatoire et protesta de son innocence. Enfin, la sentence de mort fut rendue. Il fallait encore le « warrant » de la reine, mais Élisabeth hésitait. elle eût préféré une exécution secrète, disons mieux un assassinat. Elle signa néanmoins en disant avec un sourire « Allez apprendre cette nouvelle à Walsingham, mais comme il est malade, j'ai peur qu'il n'en meure de chagrin. » Or, Walsingham était un ennemi de Marie. Les commissaires nommés pour l'exécution se rendirent à Forsenringhay. Marie allait se coucher. Elle reprit son manteau et fit ouvrir la porte de sa chambre. On lui signifia qu'elle eut à se tenir prête pour le lendemain. « Je remercie Dieu, dit-elle, de mettre un terme à tant de misère. « Votre mort était nécessaire au progrès du culte, lui dit le comte de Kent. « J'aurai donc le bonheur de mourir pour la foi de mes pères, répliqua Marie. Elle défendit à ses filles d'honneur de pleurer et passa dans son oratoire, d'où elle revint au bout de 2 heures. Elle prit quelque nourriture afin de conserver toutes ses forces. Elle écrivit ensuite au roi de France pour lui recommander ses serviteurs. Le lendemain, 18 février, elle s'habilla d'une robe de velours noir, aidée par ses 4 maris. « Jurez-moi, leur dit-elle, de vous réfugier en France. Vous savez que j'aimais toujours ce pays. On m'y pleurera, tandis que je serai heureuse. » On frappa à la porte, elle fit ouvrir, les commissaires de la reine entrèrent. Marie prit un petit crucifix d'ivoire et les suivit. Ce crucifix irrita le comte de Kent, qui lui reprocha son idolâtrie. Et comme on voulait empêcher ces dames d'honneur de l'accompagner, « N'oubliez pas, dit-elle, que j'ai été reine de France, que je suis petite-fille d'Henri VII et cousine de votre reine. » Au bas de l'escalier, elle trouva Melville, son maître d'hôtel, qui se tordait de désespoir. Elle le pria de prendre courage et de lui prêter son bras pour l'aider à marcher. Elle avait une jambe malade. « Encore ce petit service, lui dit-elle. » À l'extrémité d'une grande salle basse était dressé l'échafaud. On y voyait un fauteuil, un coussin et le billot. Tout était tendu de noir. En apercevant la hache, « Ah !» soupira Marie, « que j'eusse mieux aimé avoir la tête tranchée avec une épée à la française. » Les sanglots des femmes éclatèrent. « Mes chers amis, leur dit-elle, j'ai répondu de vous. Il faut que vous sachiez vous vaincre. » Puis, devant les 300 témoins de ce drame, elle prit Dieu à témoin de son innocence et protesta qu'elle n'avait point été complice du meurtre de son époux et n'avait jamais attenté au jour d'Élisabeth. Le ministre de l'Évangile, Flechter, la pressa de se convertir, lui montrant l'enfer prêt à l'engloutir. « Je meurs, répondit-elle, dans la foi de mes pères. » Le bourreau s'approcha. Alors, une des maris lui banda les yeux avec un mouchoir. Elle se mit à genoux et s'inclina sur le billot en prononçant ces paroles « In manus tuas domine, commendo spiritum meum ». Le bourreau remplit alors son terrible office, mais si maladroitement que la tête ne fut séparée du corps qu'au 3e coup de hache. Le ministre de l'Évangile s'écria « Ainsi périssent tous les ennemis d'Élisabeth ». Et seul le comte de Kent répondit « Amen ». Le corps de Marie Stuart fut transporté 6 mois plus tard dans la cathédrale de Peterborough. Il est aujourd'hui à Westminster.